Étreinte rapide, je m'éclipse maintenant pour la première et dernière fois. Car pour l'instant, c'est très urgent et même confiant, je ne peux plus faire autrement. Terrible, pénible, je n'appends. J'y suis revenu encore une fois. Sauf que cette fois, c'est différent. Avec le temps, on voit les choses autrement. Juste un inconnu. Juste un inconnu rencontré dans la rue au parfum peu connu. Juste un inconnu d'une grande écharpe vêtue, son âge je ne sais plus. Juste un inconnu, juste un inconnu, juste un inconnu, juste. Juste un inconnu, juste un inconnu, juste un inconnu, juste. Il était juste un inconnu, métier juste inconnu, au parfait inconnu. Il était juste un inconnu, religion inconnue, de sang même pas connu. Il était juste un inconnu.